نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنبدأ بدراستنا بكتاب أو في كتاب تجريد التوحيد المفيد سيرين الله المولى أن ينفعنا بهذا العلم وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل كما نسأله جل وعلا التوفيق والسداد وعلما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وبعد قال المصنف رحمة الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا كتاب جم الفوائد بديع الفرائد ينتفع به من أراد الله ودار الآخرة سميته تجريد التوحيد المفيد والله أسأل العون على العمل به بمنه وكرمه اعلم أن الله سبحانه هو رب كل شيء أو رب كل شيء ومالكه وإلهه فالرب مصدر رب يرب ربا فهو رب فمعنى قوله تعالى رب العالمين رب العالمين فقال المصنف فالرب مصدر رب يرب ربا فهو رب فمعنى قوله تعالى رب العالمين رب العالمين فإن الرب سبحانه وتعالى هو الخالق الموجد لعباده القائم بتربيتهم وإصلاحهم المتكفل بصلاحهم من خلق ورزق وإصلاح دين ودنيا. Donc on va commencer, Inch'Allah, sur l'étude du livre Tajrid al-Tawhid al-Mufid. Et l'auteur a commencé donc son livre qu'il a lui-même intitulé, comme on va voir dans ce qui va suivre dans l'explication, lui-même a intitulé le livre Tajrid al-Tawhid al-Mufid, comme lui-même va le signaler et le stipuler au début de l'écrit. Donc dans les précédentes assises, on avait fait une présentation de l'auteur du livre et du livre. Donc dans la première assise, on avait lu une partie de la biographie de l'auteur de cette œuvre, puisqu'il est important pour le lecteur et celui qui apprend et qui lit une œuvre de connaître l'auteur de l'œuvre et donc de se familiariser avec les écrivains, les auteurs, les savants qui ont écrit ces œuvres. Et aussi, dans l'assise précédente, on avait fait une présentation, un rappel concernant le domaine de l'unicité et l'importance de cette science qui est enseignée justement dans ce livre. Pourquoi ? Parce que comme on va le voir et comme on l'a dit, à la présentation de l'auteur et du livre, on a dit que c'est un livre concernant le domaine, dédié au domaine qu'on appelle At-Tawhid de l'unicité. Et c'est pour ça que dans les assises précédentes, on avait dans un premier temps présenté l'auteur, présenté l'œuvre, et dans la dernière assise, on avait fait un rappel concernant le domaine, l'importance et les mérites de l'unicité. Donc aujourd'hui, on va commencer sans plus attendre sur l'écrit, le texte, l'œuvre elle-même. Donc l'auteur a commencé par dire, il écrit Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. C'est ce qu'on appelle en arabe al-basmala. En arabe, le fait de dire Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim, c'est ce qu'on appelle al-basmala. Le verbe yubasmil. Il dit Bismillah. Et bada'a al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala kitabahu bil basmala. Donc on voit, on observe ici, lorsqu'on ouvre et on commence la lecture de l'œuvre, on voit que l'auteur a commencé par la basmala, par dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et vous allez voir que beaucoup d'auteurs, beaucoup de savants commencent et débutent leurs œuvres par la basmala, en justement suivant, ils suivent par ce fait le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran. Pourquoi ? Parce que chaque sourate du Coran est débutée par la basmala. Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. Et donc, le prophète, il est rapporté que lui aussi, lorsqu'il écrivait, rédigeait des lettres importantes, lorsque son scribe, le prophète, envoyait donc des missives importantes, son scribe écrivait pour le prophète, et le prophète envoyait des missives et des messages importants, il commençait, comme c'est rapporté, par al-basmala, par dire Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. Et donc, les savants, beaucoup d'auteurs, dans leur œuvre, ils ont suivi cela, ils se sont conformés à cela et ont commencé leurs œuvres et leurs écrits par la basmala. D'autant plus que le sens de cette parole est immense. C'est une parole, comme disent les grands théologiens et les savants musulmans, ils disent « Kalimatun azimatun tatadamman al-isti'anata billahi azza wa jal ». Lorsque vous dites « Bismillahi », ça veut dire « au nom d'Allah ». Ça veut dire « au nom d'Allah ». Et lorsque vous dites « avant de commencer quelque chose », ici en l'occurrence, c'est « commencer un écrit », donc l'auteur lui-même qui a écrit l'œuvre, lui, il a rédigé l'œuvre, donc avant de rédiger, avant de commencer à écrire, il dit, il fait la « basmala », il dit « Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim ». Nous, on lit. Donc aussi, au début d'une lecture, il est bon, par exemple, on commence à lire par « al-basmala ». Lorsqu'on commence une chose sérieuse et importante, on commence par al-basmala, ça sous-entend qu'on demande, lorsqu'on dit au nom d'Allah, ça sous-entend qu'on recherche al-istihana, c'est-à-dire al-aoun, l'aide, l'assistance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cela, les savants disent que al-basmala, le fait de dire bismillahi, c'est une parole où il y a recherche d'assistance et d'aide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tabarruk kadhalik. Et aussi, on recherche la bénédiction, al-baraka, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est une parole qui est très importante. C'est pour cela qu'il faut se rappeler et se faire le rappel de cela. Lorsqu'on commence une chose sérieuse et importante, et on commence par al-basmala, par dire bismillahi ar-Rahman ar-Rahim, c'est que à travers cette parole, au nom d'Allah, je recherche l'assistance, l'aide d'Allah Azza wa Jal et sa bénédiction. C'est pour ça que les savants l'appellent parole de demande d'assistance et d'aide et de demande de baraka, de bénédiction. قالوا إذن كلمة عظيمة تتضمن الاستعانة بالله عز وجل وتبرك باسمه والتبرك باسمه. Donc vous avez vu, vous dites au nom d'Allah. Ici on recherche la bénédiction près d'Allah par son nom Allah سبحانه وتعالى glorifié et exalté soit-il. وبها تفتتح الأمور وفي الحديث كل كلام لا يبدأ في أوله بذكر الله فهو أبتر. Et donc, toute chose importante il est bon de commencer, comme disent les savants, par la basmala, par dire bismillah. Ar-Rahmani, Ar-Rahim, par dire au nom d'Allah. Et il y a différents récits du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui indiquent cela et dénotent cela, dans différents hadiths. Donc il y a des récits qui nous sont rapportés du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, où cela est indiqué, c'est-à-dire ce qu'on vient de citer précédemment. Comme le récit qui est rapporté par An-Nasa'i, où il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Kullu kalamin la yubda'u fi awwalihi bi dhikrillahi fa huwa abtar » Dans une traduction relative du sens de ce récit, il est rapporté du prophète qu'il dit « Toute parole sérieuse qui n'est pas débutée par la mention d'Allah est amputée. » Dans une traduction littérale, est amputé. Et il est dit dans d'autres riwaya, d'autres versions du récit, toute affaire sérieuse qui n'est pas débutée par le nom d'Allah, par Bismillahi, est abtar. Abtar, qu'on pourrait traduire par aqtar, comme il est dit dans une autre riwaya, est coupée, amputée. N'est pas complète et parfaite. Elle est amputée. Une traduction littérale. ولذلك كان كتبها أو ولذلك كان كتبها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رسائله وكتبها سليمان عليه السلام لما كتب إلى بلقيس. Et pour ce fait, comme on l'a stipulé dans ce qui a précédé, le prophète sallam l'utilisait aussi, et lorsqu'il justement envoyer des messives et des messages, il débutait celle-ci, comme on l'a dit, par la basmala. Ces récits où il est rapporté kullu kalamin la yubda'u fi awwalihi bi dhikrillah fa huwa abtar, toute chose sérieuse ou toute parole sérieuse qui n'est pas débutée par l'évocation d'Allah, par le nom d'Allah, est amputée. Donc comme on l'a dit précédemment, différentes versions sont rapportées, mais beaucoup de savants disent que, après recherche faite sur les différentes transmissions et narrations, beaucoup de savants ont conclu, ont jugé que les différentes versions sont pas authentiques. Et beaucoup de versions sont faibles. Elles sont mursales, comme il est dit dans les spécificités du domaine. Mais ils disent que le sens est authentique. Le sens est authentique. C'est pour cela que les grands théologiens et savants musulmans s'accordent pour dire donc qu'il est bon, recommandé, qu'il faut commencer une œuvre, par exemple, par la mention du nom d'Allah en disant « Bismillahi ». Ar-Rahmani, Ar-Rahim, comme l'a fait l'auteur et comme l'ont fait de nombreux savants. Conformément à ce qu'on a cité précédemment, que lui-même le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, commencer ses missives et ses messages par la basmala, lui-même le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on a même un autre exemple d'un autre prophète dans le Coran, le prophète Suleyman, connu dans d'autres traditions par Salomon, le fils de Daoud alayhi wa sallam, que la paix soit sur tous deux. Suleyman, il nous est dit dans le Coran, Allah azza wa jal nous informe, lorsqu'il a justement écrit à Bilqis, qui était la reine de Saba, qui est connue Bilqis, qui est connue comme étant la reine de Saba. Lorsqu'il lui a écrit, alors, قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ. Et Bilqis, cette reine de Saba, lorsqu'elle lut l'écrit et le message de Suleyman, du prophète Suleyman, qui était le fils de Daoud, alayhim as-salam, que la paix soit sur tous deux, alors elle lit ce message de Suleyman, amam al-mala, devant une assemblée. Puisqu'il est dit dans le verset, قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. Et elle s'adressa à l'assemblée en leur disant: ô vous, il m'a certes été envoyé kitabun karim, un écrit qu'elle a décrit comme karim, un écrit noble. Innahu min Sulayman, et cet écrit provient de Sulayman. Donc elle sous-entend le prophète Sulayman alayhi salam. Wa innahu bismillahi ar-Rahman ar-Rahim, et il est bismillahi, cet écrit, il est écrit partir du nom d'Allah Azza wa Jal, par Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Et ça, c'est dans la sourate de la fourmi, de verset 29 jusqu'au verset 31. Et donc, on voit qu'Allah Azza wa Jal nous mentionne cela dans la sourate la fourmi. فَهَذِهِ الْكَلِمَةِ يُبْدَأُ بِهَا فِي الْكُتُوبِ وَالرَّسَائِلِ. Et donc, maintenant, vous comprenez le sens de cela et la raison pour laquelle les savants, si vous observez dans de nombreux écrits, de nombreux livres, de nombreuses œuvres, les savants, les auteurs de ces œuvres, débutent leur écrit par al-basmala, par le fait de dire Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim, et comme on a dit, conformément aussi au Coran. Pourquoi ? Parce que les sourates du Coran commencent toutes par al-basmala. Il y a juste exception à une sourate, la sourate 9 qui se nomme sourate Tawbah, la sourate du repentir. Dans le Coran, toutes les sourates sont débutées par al-basmala. Donc maintenant, vous avez tous compris lorsqu'on dit al-basmala, comme on l'a dit précédemment, le fait de dire bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. Donc toutes les sourates du Coran, excepté la sourate 9, la sourate Tawbah du repentir, ou appelée aussi al-bara'a, du désaveu, seule cette sourate n'est pas débutée, elle ne commence pas par al-basmala. Et si vous cherchez les raisons pour laquelle cette sourate est l'exception dans le Coran, c'est la seule qui ne commence pas par al-basmala, alors les savants ont répondu à ces questions, ont écrit et ont expliqué cela. Et donc il y a des narrations, des paroles qui sont apportées de compagnons relatant la raison, comme des paroles remontant jusqu'à Abdallah ibn Abbas, remontant à Ali ibn Abi Talib et à Uthman ibn Affan, par exemple, et d'autres. Et donc, certains savants, pour cela, ont expliqué les raisons. Parmi les raisons, on ne va pas citer toutes les raisons pour lesquelles la sourate Tawbah ne débute pas par al-Basmala. Parmi les raisons que certains savants ont mentionnées, puisqu'il y a différentes raisons, et que certains compagnons, les compagnons considéraient que la sourate qui précède, sourate Al-Anfal, et la sourate Al-Tawbah, pouvaient être une seule sourate, la même sourate du fait que l'essence des deux sourates était proche. L'essence des deux sourates était proche. Mais par précaution, ils n'ont pas réuni les deux sourates, par précaution. Et ils n'avaient pas de preuve, pas d'indication du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il y avait au début de la sourate Tawbah al-Basmala. Il n'y avait pas d'indication. Donc pour cela, par précaution, ils ont séparé les deux sourates et ils n'ont pas mis al-Basmala devant la sourate Tawbah, ou au début, au commencement de la sourate At-Tawbah, puisqu'il n'y avait pas de preuve et d'indication à cela. Et il est même dit aussi du fait que la sourate Al-Anfal a été révélée au début de l'ère médinoise. De l'ère médinoise. Et les versets de sourate At-Tawbah font partie des dernières révélations. Des dernières révélations. Des versets descendus sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça fait partie des raisons données et expliquées par les savants. Aussi, les savants remontent jusqu'à Uthman ibn Affan. Les narrations qui sont rapportées jusqu'à Uthman ibn Affan, comme cela c'était dans le mushaf de l'imam, comme il est dit. Ou l'imam qui sous-entendait Uthman ibn Affan. Ensuite, il faut faire des recherches sur l'authenticité des chaînes de transmission, mais c'est ce qui est rapporté aussi de Uthman ibn Affan, radiallahu ta'ala, anhu, et d'autres compagnons. Aussi, certains savants ont cité une deuxième raison, parmi les raisons données, certains savants ont dit par rapport au sens des deux sourates, ou des sourates. Regardez le sens, par exemple, de Surat al-Anfal et d'autres sourates qui sont débutées par al-Basmala. Et le sens de Surat al-Tawba, où il convenait qu'elle ne soit pas débutée, qu'elle ne commence pas par al-Basmala par rapport au sens de Surat al-Bara'a, Surat al-Tawba. Donc moi je résume le sujet pour qu'on puisse continuer. Ensuite l'auteur, après avoir dit Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim, qui est al-Basmala, l'auteur dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. L'auteur maintenant, après qu'il ait dit au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, une traduction rapprochée hein, et relative des deux noms sublime d'Allah. Pourquoi? Parce que on a Bismillahi au nom d'Allah. Donc il y a Allah qui fait partie des noms d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, Allah est suivi par deux noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que Allah est celui qui détient les plus beaux noms. Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Allah, comme il nous dit dans le Coran, et Allah appartient les noms sublimes, invoquez-le par ces noms-là. Et ça fait partie de notre croyance en l'unicité d'Allah, du fait de croire en sa perfection, et que rien ne lui est comparable, ni égal, ni semblable. Subhanahu wa ta'ala, glorifié, exalté soit-il. Donc Allah, lorsqu'on dit Bismillahi, est suivi ensuite du nom Ar-Rahmani, Ar-Rahim, deux noms parmi les noms sublimes d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite l'auteur dit Alhamdulillah. Maintenant, il fait la louange d'Allah. Il dit louange Allah, subhanahu wa ta'ala. Thumma qala ba'daha, alhamdulillah. Donc, après la basmala, et on a dit c'est une parole où il y a demande d'assistance et recherche de bénédiction d'Allah, azza wa jal, auprès de son nom Allah. Donc, on avait dit كلمه او البسمله هي كلمه عظيمه وهي تتضمن الاستعانه بالله عز وجل والتبرك باسمه. Donc je vais résumer les enseignements pour qu'on puisse bien avancer dans ar-risala, dans l'écrit et l'œuvre de l'auteur. Ensuite regardez, il fait l'éloge d'Allah. Pourquoi? Parce que alhamd, lorsqu'on dit alhamdulillah, c'est faire les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme vous le savez. Et on a un autre hadith, une autre version du hadith comme on l'a cité précédemment. Rappelez-vous, précédemment, on a cité le hadith qui nous est rapporté du prophète sallam, kullu kalamin la yubda'u fi awwalihi bi dhikrillahi fa huwa abtar. Toute parole qui ne commence pas par l'évocation d'Allah est amputée. Vous vous souvenez de ce récit qu'on a cité précédemment. On a dans une autre version du récit de ce hadith, où il nous est rapporté que le prophète sallam dit « Kullu amrin dhibal la yubda'u fihi bilhamd aqta'. » Dans une autre version du hadith, et cette version-là elle est rapportée par Ibn Majah, par Ibn Hibban, Wan-Nasa'i, et peut-être d'autres encore. Donc vous pouvez retrouver ça dans les traditions, dans les sunan de Ibn Majah, ou Ibn Hibban, Wan-Nasa'i, pour ceux qui veulent faire des recherches. Dans cette version-là et ce récit-là, il est rapporté d'après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit « Kullu amri dhibal » toute affaire sérieuse, importante, qui n'est pas débutée par Al-Hamd, par la louange, est amputée. Est amputée. Vous avez vu dans cette version-là, il est dit Bilhamd, par la louange. Dans l'autre version précitée, dans d'autres récits, il est dit Bi, Bismillah ou bien Bidhikrillah. Bidhikrillah par l'évocation d'Allah. Ici, il est mentionné Bilhamd, par la louange. Falbida'atu takun haqiqiyya wa takun idhafiyya. C'est pour cela que certains savants disent, dans leur explication, ils disent, écoutez bien, le début d'une chose, il y a le début haqiqiyya, réel, et un début complémentaire. Certains savants citent ces deux catégories dans leurs commentaires. Il y a un début qu'on va traduire véritable et réel, et un début qui est complémentaire. Ou si vous voulez, un commencement véritable et réel et un commencement complémentaire. C'est-à-dire, et takun haqiqiyya bismillahi. Lorsqu'on dit bismillahi au nom d'Allah, c'est ce que certains savants appellent le commencement, le début véritable et réel. Lorsqu'ensuite on fait les louanges d'Allah azzawajal, faire les louanges d'Allah, c'est-à-dire on fait ses éloges. Lorsqu'on dit louange Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire faire l'éloge d'Allah jalla jalalu. Là, ils appellent ça un début complémentaire. Un début, un commencement complémentaire. فَالْبِدَاءَةُ تَكُونَ حَقِيقِيَّةَ وَتَكُونَ اِضَافِيَّةَ فَبَدَأَ أَوَّلًا بِقَوْلِهِ بِسْمِ اللَّهِ هَذِهِ حَقِيقِيَّةَ. Et donc l'auteur, il a commencé par Al-Basmala, un début réel, haqiqiyya, je vous traduis littéralement de l'arabe. Et ensuite, il dit Alhamdulillah, il fait les louanges d'Allah d'un commencement complémentaire, complémentaire. Ensuite, l'auteur donc dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, donc louange Allah, le Seigneur de l'univers. فجميع الحمد والثناء لله عز وجل لأنه هو المنعم بكل النعم. Donc faire les louanges d'Allah et l'éloge d'Allah, pourquoi? Il est bon, ça fait partie des grandes adorations légiférées, de scander la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, de faire les louanges en lui faisant les éloges à notre créateur subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'il est celui justement qui a pourvu octroyer tous ses bienfaits à ses créatures. Et donc, c'est lui qui mérite justement les louanges et les éloges. فهو المستحق بالحمد. فبدأ الله سبحانه وتعالى الخلق بالحمد لله سبحانه وتعالى وختمهم بالحمد لله عز وجل. Et dans le Coran, si vous observez, il y a des versets, des passages dans le Coran où on peut déduire que Allah subhanahu wa ta'ala, qui indique qu'Allah a commencé la création par la louange et a parachevé la création par la louange. فَبَدَأَ الْخَلْقَ بِحَمْدِ اللَّهِ وَخَتَمَ الْخَلْقَ بِحَمْدِ اللَّهِ كَمَا قِيلَ أو كَمَا قَالَ الْعُلَمَا, comme certains savants ont dit. Par exemple, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset Alhamdulillah, الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. Dans le verset, par exemple, 1 de la sourate Al-An'am, le premier verset de la sourate Les Bestiaux. Regardez, Allah dit louange à Allah, celui qui a créé les cieux et la terre, وجعل الظلمات والنور, et a mis les ténèbres et la lumière. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. Vous avez vu ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala parle de la création. Et donc il a débuté Alhamdulillah alladhi khalaqa as-samawati wal-ard wa ja'ala adh-dhulumat wan-nur. Louange à Allah, celui qui créa les cieux et la terre. Donc Allah Azzawajal a débuté avec les louanges. Ensuite, dans la sourate Az-Zumar, dans une autre sourate qui est appelée, nommée la sourate Az-Zumar, le verset 75, Allah dit وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَفِي سُوَرْ مِنَ الْقُرْآنِ كَثِيرَةً تَبْدَ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مِنْهَا. Et dans d'autres sourates aussi, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a commencé à faire les louanges. A commencé par ses louanges. Lorsqu'il dit Alhamdulillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahu alhamdu fil akhirah wa huwa al-hakim al-khabir. Par exemple, dans le verset de Sourate Saba, le premier verset lorsqu'Allah dit louange Allah, celui lahu ma fis samawati wa ma fil ard, celui à qui appartient tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre. Wa lahu alhamdu fil akhirah, et à lui les louanges fil akhirah. Il est certes Al-Hakim, souvent traduit par le sage, Al-Khabir, le bien informé. Regardez dans un autre verset, le verset 1 de la sourate Fatir. Allah dit Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Louange à Allah, fatiris samawati wal ard. Regardez dans le verset 1 aussi de la sourate La Caverne. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abadihi al-kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Dans ce verset aussi, Allah a commencé par alhamd, par les louanges. Wabtada'a fatihat al-kitab. Et avant cela, regardez, la sourate qu'on appelle l'ouverture du livre, al-fatiha, Allah l'a commencé par alhamdulillahi rabbil alamin. On commence à réciter le Fatiha, cette sourate qu'on récite dans toutes nos prières, on commence à dire, après la basmala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange au Seigneur de l'univers. Donc ça, c'était l'explication concernant les louanges d'Allah Azza wa Jal. Alhamd, lorsque on dit Alhamdulillah. Rabbil Alamin. Rabbil Alamin, qu'on traduit en français, le Seigneur de l'univers. Le Seigneur de l'univers. Et pourquoi on dit le Seigneur de l'univers? Ce qu'il faut savoir, Al-Alamin, c'est le pluriel en arabe de Alam. Alam, c'est monde. Une traduction rapprochée et littérale. Monde. Alam. Monde. Alamin, c'est le pluriel. Comme aussi parmi les pluriels, Awalim. Par exemple, en arabe, Awalim. Pluriel aussi de Alam. Donc le singulier alam, le pluriel alamin, alamin, comme dans la parole qui est dite, une célèbre parole, zallatul alim, zallatul alam, zallatul alim, zallatul alam. L'erreur du alim, du savant, c'est l'erreur du monde. Al-alam, vous avez vu, alam, c'est l'erreur du monde. Si un grand savant se trompe, alors du fait que du monde le suit, alors c'est l'erreur du monde. Alam, donc, c'est le singulier de alamin. Et donc, alamin, c'est le pluriel. Comme on a aussi awalim. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala est le seigneur de tous ces mondes. Pourquoi? Parce qu'on a alam al-ins, wa alam al-jinn, wa alam al-malaika, wa alam al-hayawanat. وعالم الطيور عوالم لا يعلمها إلا الله ظاهرة وخافية. Parce qu'il y a différents mondes. Il y a le monde des djinns. Il y a le monde des humains. Il y a le monde des anges, par exemple. Il y a le monde des animaux. Et il y a le monde des oiseaux, par exemple. Tout cela, ce sont des mondes. عوالم. Et Allah subhanahu wa ta'ala est seigneur de tous ces mondes. Subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que tout ce qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala est nommé alam. Tout ce qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala est nommé alam. Donc maintenant vous avez compris Alhamdulillah, Rabbil Alamin, louange Allah, le Seigneur, vous avez vu souvent traduit par le Seigneur des univers. Ensuite, l'auteur dit, Wal aqibatu lil muttaqin. L'auteur, après qu'il ait dit, Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim, il a fait les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite, et ensuite il dit, Wal aqibatu lil muttaqin. Et la finalité est pour les vertueux. La finalité est pour les pieux. Et dans la dernière assise, dans l'assise d'hier, lorsqu'on a fait un rappel, dans la dernière assise concernant l'importance du domaine du monothéisme, on avait cité justement ce verset où Allah Azza wa Jal nous dit wal aqibatu lil muttaqin, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit que cette terre innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadi wal aqibatu lil muttaqin. On avait fait allusion à ce verset qui est que le prophète aussi avait utilisé comme réponse à cet homme qui s'appelait Musaylamah al-Kadhdhab, qui avait prétendu la prophétie. Et le prophète lui avait répondu avec ce verset. Et c'est cela qu'avait révélé Allah Azza wa Jal à Moussa alayhi as-salam lorsqu'ils étaient poursuivis par Pharaon. Et Moussa dit à son peuple, « Ista'inu billahi wasbiru » Cherchez l'assistance auprès d'Allah et patientez. Inna al-arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadi wal aqibatu lil muttaqin. Comme on l'avait cité dans la dernière assise. Ensuite l'auteur dit wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad khatama an-nabiyyin. Ensuite l'auteur fait les salutations, elles sont appelées les salutations, c'est-à-dire les prières sur le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et le fait de prier, on va voir le sens de cela. Prier sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est citer, ça fait partie des commandements d'Allah, azza wa jalla. Allah nous ordonne de prier sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Conformément au verset 56 à Sourate Al-Ahzab, « Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhal ladhina amanu, sallu alayhi wa sallimu taslima. » Allah nous dit dans une traduction du verset, « Certes Allah et ses anges, ils prient sur le prophète, ô vous qui avez cru, priez sur lui, wasallimu taslima, et saluez-le d'une salutation. Tasliman. Donc Allah nous ordonne de prier sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il est dit que dans ce verset, Allah prie sur le prophète, ma ma'na hada, quel est le sens de cela? Les savants disent, as-salatu min Allah, thana'uhu ala abdihi fil mala'il a'la. C'est le fait qu'Allah Azza wa Jal évoque le prophète dans les autres assemblées. C'est ça le sens. Lorsqu'il est dit Allah prie sur le prophète. Le sens de cela, c'est qu'Allah va l'évoquer. Il l'évoque dans les hautes assemblées. Et le sens que les anges prient sur le prophète, comme il est dit dans le verset Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Donc Allah, c'est-à-dire qu'il évoque le prophète dans les hautes assemblées. Et la prière des anges sur le prophète, c'est dans le sens de l'istighfar. C'est dans le sens, c'est la demande de pardon. Il demande pardon. Al-istighfar, comme disent les savants. Wa salat min al-adamiyyin. Et la prière des hommes sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est dans le sens de ad-du'a, l'invocation. Lorsqu'on prie pour le prophète, c'est une invocation. C'est une invocation. Conformément au verset, ce qui prouve et ce qui est indiqué dans le verset 103 de la sourate Tauba. Lorsqu'Allah dit خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal dit au prophète, prends d'eux une aumône qui les purifiera. وتزكيهم بها. Donc prends d'eux une aumône, c'est la zakat. Une aumône qui les purifiera. Donc lorsque le croyant s'acquitte de son aumône, de sa zakat, il se purifie. Qui les purifiera. Et regardez ensuite, Allah Azza wa Jal dit au prophète, wa salli alayhim, et prie sur eux. Même à salli alayhim, lorsqu'Allah dit au prophète, et prie sur eux. Dans le sens, les savants disent, ad-du'a, invoque pour eux. Donc lorsqu'on dit sallu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, on fait les prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bima'na du'a, dans le sens que c'est invocation. Ay ud'u lahum idha dafa'u laka zakat amwalihim fad'u lahum. Wa sallatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam wajiba. Et donc prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelque chose d'obligatoire. Celui qui ne le fait pas, c'est un avare, comme il est dit dans le récit. C'est obligatoire de prier sur le prophète. Et parfois, c'est recommandé. Donc il y a des situations où il est obligatoire de prier sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et parfois, il y a des situations où il est mustahab, recommandé, méritoire de prier sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et justement, il y a un livre qui a été rédigé par un grand, éminent, érudit, savant de notre nation, Al-Imam Ibn Qayyim, sur ce sujet. Fi kitab, Jala'ul Afham, fi fadli salati ala Muhammadi khayril anam. C'est un livre d'Ibn Qayyim qui est intitulé Jala'ul Afham, fi fadli salati ala Muhammad khayril anam. Et dans ce livre, eh ben, l'auteur va traiter, expliquer justement cette question-là, les prières et les salutations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez ensuite, après avoir prié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad khataman nabiyyin. Le sceau de la prophétie, le dernier des prophètes. Donc on prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est ensuite tout croyant, tout musulman, tout musulmane a la conviction et parmi sa croyance, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier des prophètes. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de prophète après lui. Il est venu pour clôturer, parachever la prophétie. Après lui, il n'y a plus de prophète, comme c'est stipulé dans un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ana khatam nabiyyin ». Le prophète lui-même le stipule dans un récit rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, il dit « Je suis le dernier des prophètes ». Et dans un autre récit, le prophète sallam dit wa innahu la nabiyya ba'di. Et après moi, il n'y aura pas de prophète. Et dans le Coran, Allah azza wa jalla nous dit ma kana Muhammad aba ahadin, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Dans un verset, Allah azza wa jalla nous dit dans le verset 40 de sourate Al-Ahzab ma kana Muhammadun aban ahad. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Muhammad n'est le père de personne parmi vos hommes. Walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Mais Allah nous dit, mais il est le messager d'Allah, le dernier des prophètes. Donc si vous vous posez la question, quelle est la preuve? Où est-ce qu'il est clarifié que le prophète ensemble est le dernier prophète? Dans le Coran et dans la Sunna. Dans le Coran et dans la sunna. Pour cela, le croyant, le musulman ne peut pas penser qu'il y a, après le prophète, un autre prophète qui viendra. C'est le dernier des prophètes. C'est le dernier des prophètes. Et comme on l'a dit, vers l'ère de la vie du prophète, commence à apparaître Musaylamah al-Kadhdhab, et le prophète aussi avait averti que viendront des gens qui revendiqueront la prophétie, qui se diront prophète. Il est même cité dans un récit 30 qui revendiqueront la prophétie. Donc de nombreuses personnes sont venues et ont revendiqué la prophétie après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et tous étaient des imposteurs. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, à la fin du 19e siècle de l'ère grégorienne, à la fin du 19e siècle, un homme pakistanais vers les Indes, a revendiqué, il est décédé en 1908. Il s'appelait Ahmed Al-Qadiani. Ahmed Al-Qadiani, qui est décédé en 1908, c'est-à-dire, vous avez vu, hein. Donc c'est la fin du 19e siècle, il est décédé au début du 20e siècle, a revendiqué, il n'y a pas très si longtemps, il a revendiqué la prophétie. Et lui, ce qui est ajib, c'est que ça s'est fait par étapes. Et vous avez vu, de là après, il a eu des partisans, et ensuite ces partisans ont formé une secte qu'on appelle l'Ahmadiyya. Une secte ensuite qui s'est répandue, qui a émergé, qui a été nommée l'Ahmadiyya par rapport au fondateur de Ahmed al-Qadiani. C'est un homme qui est né dans un village d'Inde qui s'appelait Qadian. Le village s'appelait Qadian. Pour cela, ensuite, il était attribué à ce village-là. Il était surnommé Qadiani. Et lui, ce qui est étonnant, c'est que ça s'est fait par étapes. Au départ, il est dit que c'était un prédicateur. Un prédicateur qui appelait à l'islam. Da'iya islamiyya. Un prédicateur qui appelait à l'islam. Au début, il faisait ad-da'wa. Il appelait à l'islam. Ensuite, on ne va pas dire évoluer parce que ce n'est pas une évolution, c'est une régression. Mais ensuite, il a commencé à se dire mujaddid. Mujaddid, mulham min Allahi azza wa jal. Il a commencé à penser qu'il était un réformateur. Comme il est cité dans le hadith du prophète, qu'à la tête de chaque siècle, Allah azza wa jal enverra un homme qui réformera la science religieuse, ou ad-din, la religion, à la tête de chaque siècle. Alors lui, ensuite, il s'est prétendu mujaddid. Mais ce n'est pas tout, il s'est prétendu aussi inspiré d'Allah. Qu'il avait une inspiration, il était inspiré du créateur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, plus tard, il va se dire al-Mahdi. Al-Muntazar. Il va prétendre qu'il est en fait Al-Mahdi. Donc il se prendra pour Al-Mahdi attendu. Plus tard, le temps passe, et là il va se dire que c'est Al-Masih. Il va se dire le Masih. Isa ibn Maryam. Vous avez vu, le prophète Isa qui devra revenir, qui reviendra à la fin des temps. Lui, il va dire qu'en fait, le retour de le Messie, ce n'est pas dans ce sens. Le retour de le Messie, il va innover une nouvelle croyance, il va dire c'est le retour d'un semblable, d'une personne, c'est-à-dire semblable au Messie. Il va revendiquer cela. Et il va dire, ce semblable au Messie, c'est moi. Lui va dire cela. Ahmed al-Qadiani. Il va se dire cela. Il va dire le semblable. Donc ensuite, il va revendiquer qu'il est le semblable, jusqu'à ce qu'il va dire que c'est lui. Ensuite, il va dire que lui-même, c'est Al-Masih. Al-Masih, Isa. Après, certains, dans leurs écrits, lorsqu'ils parlent de sa biographie, ont dit, sûrement, il a dû voir qu'il n'a pas eu beaucoup de partisans, beaucoup de gens qui lui ont accordé foi, qui l'ont cru. C'est-à-dire que ses revendications n'ont pas eu de succès. Ses revendications n'ont pas eu de succès. Alors plus tard, il va carrément revendiquer et se dire prophète. Et il va là se dire prophète. Et il va même rédiger un livre en disant que ce livre c'est le Coran. Il va rédiger un livre en disant que ce livre c'est le Coran. Il va l'appeler Kitab al-Mubin. Al-Kitab al-Mubin. Et il va revendiquer des choses et donc se dire prophète. Et ses partisans ensuite seront appelés, feront partie de la secte qu'on appelle Al-Ahmadiyya. Al-Ahmadiyya. Il a lui-même ce qu'il nomme lui-même certaines prophéties, des prophéties à lui. Et justement, certaines prophéties, justement, ce sont ce qu'il appelle lui cela. Il pensait qu'il avait des prophéties. Nubuwa. Il pensait. Alors il a revendiqué des choses qui ne se sont jamais produites, qui prouve que c'était un menteur et un imposteur. Par exemple, un jour, il a eu un débat avec une tierce personne d'une autre confession. Et cette tierce personne d'une autre confession l'a vaincu dans l'argumentation. Donc, il n'a pas pu argumenter. Il l'a vaincu. رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمدا وسلم. Donc parmi ce qu'il avait revendiqué, pour terminer, il avait revendiqué que son antagoniste, qui avait débattu avec lui et qu'il a vaincu dans le débat, alors il a dit à ses adeptes, il a dit, s'il ne se repentit pas de ce qu'il a proféré pendant le débat, alors il décédera dans 15 mois. Dans 15 mois, il décédera. Les 15 mois passèrent, et l'homme n'est pas décédé, c'est pas produit. Alors ses partisans, les fanatiques de cet imposteur, ensuite on dit c'est parce qu'il s'est repenti. Alors l'homme, l'antagoniste, lorsqu'il a entendu cela, il a écrit une lettre en disant, les a réfutés, en se moquant d'eux, qu'il ne s'était jamais repenti. Et parmi les choses aussi qu'on fait montrer qu'il était imposteur, il avait revendiqué que la peste et les épidémies ne rentraient jamais dans son village à lui. Qadian, le village de Qadian. Or, plus tard, une grande épidémie s'est abattue en région de l'Inde et du Pakistan, et justement, elle est rentrée dans Qadian, et lui-même est mort de cette maladie-là. Et là, beaucoup ont vu que c'était un réel imposteur. Ensuite, l'auteur, après avoir dit « Wala aqibatu lil muttaqin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd » Donc nous on a terminé là l'introduction de l'auteur. Wa'ala alihi. Après les salutations sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fait partie du comportement de saluer les proches du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons. Lorsqu'il est dit wa'alihi, ça fait référence aux proches du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il est dit wa'sahbihi, les compagnons. Tous ceux qui ont rencontré le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui ont cru en lui et sont morts sur l'islam, sont considérés comme compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains savants disent, donc lorsque les deux termes wal al wa al ashab sont cités d'une manière conjointe, les deux sont cités wa ala alihi wa sahbihi, ça sous-entend que l'al c'est al-qaraba, les proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa sahbihi, dans le sens as-sahaba, c'est sahaba. Mais s'il est cité que al-al, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi, on s'arrête sur cela, alors les savants disent que là, ça englobe aussi bien al-qaraba, les proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ça sous-entend aussi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Thumma qala al-musannif, فهذا كتاب جم الفوائد بديع الفرائد ينتفع به من أراد الله ودار الآخرة. Ensuite, l'auteur dit que ce livre-là qu'il a rédigé, c'est un livre rempli d'enseignements. بديع الفرائد ينتفع به من أراد الله ودار الآخرة. Et donc, il va faire l'éloge du livre. Mais les savants ont dit que lorsque l'auteur lui-même qui a rédigé ce livre, il dit, voici un livre, il le présente, étant un livre qui renferme de nombreux enseignements bénéfiques et précieux. Il ne fait pas forcément l'éloge de son écrit pour faire l'éloge et pour vanter son écrit. Mais les savants ont dit que lorsque l'auteur dit cela, c'est pour dire que le sujet qui est traité fait partie des sujets les plus précieux. En l'occurrence, l'auteur va traiter le domaine du tawhid. Et donc, Ici, c'est une portée d'attention au lecteur, à l'étudiant, d'une manière plus spécifique, que ce livre renferme des enseignements immensément précieux. وَيَنْتَفِعُ بِهِ مَنْ أَرَادَ اللَّهِ وَدَرَ الْآخِرَةِ Ensuite, il va faire allusion à la sincérité, que celui vraiment qui veut bénéficier de la science bénéfique et profiter de cette science, cette connaissance, ce savoir bénéfique, il faut vouloir Allah Azza wa Jalla, il faut être sincère. Il faut être sincère et vouloir l'au-delà. Donc demain, Inch'Allah, dans la prochaine Zazie, on continuera sur l'explication de l'œuvre du grand Al-Allama, du grand savant Al-Maqrizi, fi kitab tajrid al-tawhid al-mufid, wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa barakallahu fikum.